Retrouvez toutes les dernières nouveautés et découvertes du moment. Avec Jan et son émission Totalement Rock. En direct tous les vendredis soirs à partir de 21h. Sur Stone Rock Radio, bien sûr. Eh oh, vous me faites quoi là? Ça va pas, non? Jan, il est en vacances. Il n'y a pas de Totalement Rock ce soir. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, balance mon générique, je vais essayer d'improviser quelque chose. Attention, attention. Le Stone Rock Show débarque sur Stone Rock Radio. Veuillez rentrer chez vous et allumer votre web radio. Salut mes petits gars, salut mes gazelles, c'est Olive. Non, nous ne sommes pas le mercredi, nous sommes bien le vendredi soir, il est 21h passé de quelques minutes. Comme mon équipe de bras cassés à la régie se sont plantés en croyant que Jan allait être présent ce soir et que je viens de foutre dehors à grands coups de tatane dans le fion, je vais vous improviser une petite émission genre totalement Stone Rock Show, un mélange de Totalement Rock, l'émission de Jan en live, et le Stone Rock Show, mon émission du mercredi soir. Je vais laisser de côté l'année 1978 qui est le fil rouge de mon émission, et je vais vous passer un peu de tout et n'importe quoi, ce que j'ai sous la main quoi. Alors oui, monsieur Jan est en vacances, il a fini son année de toute beauté avec une émission qui a foutu le feu dans les studios de Stone Rock. Il a laissé traîner quelques disques que je vais diffuser ce soir, comme All Them Witches, Cold Sun, Fountain DC, Amel and the Sniffers, mais il y a également les miens qui traînent dans un tiroir et quelques découvertes que nous avons reçues par courrier. Normalement, avec tout ça, je vais pouvoir tenir un moment avec vous. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien, que la grippe et le connard de Covid ne sont pas invités chez vous. Bientôt les réveillons, les toasts au foie gras, la dinde et la bonne bûche à la crème au beurre. Attention à la crise de foie, les amis. Bon, et si on écoutait du bon son ce soir? Comme tous les vendredis soirs, tiens. Je vais te passer mon coup de cœur de l'année 2022, les Too Far South, duo rock grunge, qui nous vient de Suède et le titre In My Head, sorti il y a un mois sur toutes les plateformes de streaming. Et ensuite, je te ferai écouter un extrait d'un de mes albums préférés de cette année 2022, When the Wind Forgets Your Name, du groupe Built to Spill, sorti le 9 septembre chez Sub Pop. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Built to Spill, c'est un groupe de rock indépendant américain originaire de Boise, dans l'Idaho. Il est considéré comme l'un des groupes les plus influents du rock indépendant américain durant les années 90. Le style du groupe se caractérise par des mélodies complexes ainsi qu'une grande virtuosité instrumentale. Le groupe est actuellement composé de Doug March au chant et à la gratte, Melanie Radford à la basse et Teresa Esquera à la batterie. Je vais te passer le morceau d'ouverture de l'album Gonna Lose. Ça te va comme programme? Allez, c'est parti! Voici les Too Far South dans le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio! In my head, Le Stone Rock Show. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? c'était les All Them Witches sur Stone Rock Radio avec Hush I'm on TV, leur tout dernier single. Alors je ne sais pas si un nouvel album est prévu pour 2023, rien n'est indiqué sur la toile. All Them Witches, c'est un groupe de rock américain originaire de Nashville dans le Tennessee. Le groupe est composé du batteur Robbie Stabler, du chanteur multi-instrumentiste Charles Michael Parks Jr., du guitariste Ben McLeod et du claviériste multi-instrumentiste Alan Van Cleavel. Le groupe est en activité depuis 2012 et ont déjà sorti 6 albums studio. Le dernier en date est Nothing Has an Ideal, sorti en 2020. Pour la série qui va suivre, je vais jouer à domicile car je vais te passer du David Bowie et du Patti Smith. Alors comme titre de Bowie, je t'ai choisi Let's Spend the Night Together, qui est une reprise des Stones et qui figure sur l'album Aladdin Sane, sorti en 1973. La meilleure époque de David Bowie pour moi, avec Ziggy Stardust. Et pour Patti Smith, je t'ai choisi Pumping, qui est extrait de Radio Ethiopia, le deuxième album studio du Patti Smith Group, sorti en 1976. Ce n'est pas mon album préféré, je l'avoue, mais il y a quelques pépites à ne pas jeter par la fenêtre. Et pour la troisième de la série, je te laisse découvrir. Voici Mr. David Bowie et Miss Patti Smith dans le Stone Rock Show. Let's rock! Dans ta gueule. C'est un venin intersidéral qui te transformera en poudre thermospasmique et qui te fera des taches sur les habits que même Skip Machine ne pourra pas les enlever. Hola, Stun Rock Show. C'est des malades. C'était Mr. Mark Bolan et son groupe T-Rex et le titre 20th Century Boy, single sorti le 2 mars 1973 sur son propre label, la belle grande époque du glam rock. Je suis en train de foutre un bordel dans les studios de Stone Rock, c'est incroyable. Alors pour rappel pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Olive aux commandes de Totalement Stone Rock Show. Jeanne qui anime Totalement Rock tous les vendredis est en vacances. Mais mon équipe de nuls à la prog ont balancé le générique de Jeanne, croyant qu'il allait venir au studio. J'ai dû faire une petite playlist à l'arrache histoire de ne pas avoir l'air con et pour vous tenir compagnie pendant cette soirée. J'espère que tu passes un bon moment quand même et que tu n'es pas trop déstabilisé. Je fais au mieux pour que tu sois à l'aise. Prends une bonne bière et installe-toi confortablement. La série qui va suivre devrait te plaire. Voici quelques découvertes que j'ai fait dernièrement. Le groupe Sludge Fist, et le titre I Guess You Know, et Olympus Mons et le titre Home Won't Be This Close Again. Alors, Sludge Fist est un groupe de rock alternatif qui nous vient de Bournemouth en Angleterre. Le titre que je vais te passer date de 2003 et extrait de l'album Noise Action Noise sorti en 2003. Je ne connaissais pas du tout ce groupe et franchement c'est une belle découverte. Et pour Olympus Mons, c'est un groupe de metal progressif originaire de Bordeaux. Le titre date de 2008 et figure sur leur dernier album Nothing Gonna Spoil My Day Today. Groupe qui a totalement disparu des radars rock et c'est bien dommage. J'en connais un qui devrait pas tarder à me contacter s'il écoute cette émission. Yeah, salut Olive, c'est Jeanne, vas-y balance-moi les deux titres que tu viens de passer là. Eh ben non, je te les dédicace et c'est tout. Voici les découvertes du Stone Rock Show, Sludge Fist et Olympus Mons sur Stone Rock Radio. Monte le son à fond, c'est le week-end, c'est permis. Je vois pas où est la caméra. Je veux que ça me foute, moi. Bon, allez, tiens. La lumière, allez. Merde. C'est terminé. Là, ça tourne. vous fumez, monsieur. Alors, ça va? T'es toujours là? Tu viens d'écouter Necrovirus et le titre Waste. Alors, je vais te dire, je ne connais rien sur ce groupe. Je viens juste de tomber dessus par hasard sur YouTube et j'ai bien aimé. Voilà, comme quoi le hasard fait bien les choses. C'est pas mal, non? Allez, on continue la petite aventure totalement en Stone Rock Show avec quelques groupes des Hauts-de-France, ma région dont je suis fier, avec mon accent ch'ti et mes chicots au gratin. Et ouais, Milout. Allez, je te balance Colson et leur dernier titre, Witchcraft Ringing. Colson est un super groupe à lui tout seul, car il est composé de 4 membres qui officient actuellement au sein d'autres groupes, comme Addict pour Gaëtan, qui tient le chant, Guillaume de The Elliott Specials à la gratte, mais aussi à la basse, Sylvain de White Moss également à la gratte, et Nicolas de Noiseless qui tient derrière les fûts. Les 4 membres du groupe se sont tous rencontrés lors de scènes partagées ces dernières années dans le nord de la France et se sont découverts une passion commune pour le grunge. Tu vas voir, c'est excellent. On enchaînera avec les Dead Rats, groupe de mon ami Manu, alias Deadman, qui a animé 13e génération sur Stone Rock pendant 2 saisons. Je vais te passer, et pour en finir, un de leurs derniers titres. Manu, tu nous manques, merde, reviens sur Stone Rock. Je vais finir par lancer une pétition pour qu'il revienne dans les studios. T'en penses quoi, camarade? Allez, voici Colson et Dead Rat sur Stone Rock Radio. Et ouais, même les ch'tis ont leur groupe de rock, et j'ai pas du brin. C'est quoi ce bordel? Nadine une mouque, t'as une babec. Change on the tourist day. le Stone Rock Show. Émission d'Olive. C'était les White Moths et le titre It's Starting to Look Bad Now, extrait de leur dernier EP que je vous recommande. White Moths a été un des premiers groupes à nous avoir contactés pour être diffusé sur Stone Rock Radio et j'ai toujours suivi leur évolution. Comme quoi, la fidélité, ça existe. Bon, pour rappel, c'est Olive aux commandes de Totalement Stone Rock Show. John est en vacances bien mérité et je le remplace pour ce soir pour vous tenir compagnie. Ce n'était pas vraiment prévu, mais bon, merci à mon équipe de tocards de la prog. Allez, on va enchaîner avec une petite série de voix féminines, car je sais très bien que Jan respecte les chanteuses et les groupes de filles en leur laissant une place importante dans ses émissions. Bien sûr, je ne pouvais pas faire sans vous passer un Mail and the Sniffers et un extrait de l'album Comfort to Me, Choice. A Mail and the Sniffers, groupe de ma chérie Amy Taylor, était mon gros coup de cœur de l'année 2021. La façon de chanter d'Amy me fait penser un peu à Polystyrène, la chanteuse du groupe X-Respect, mais également aux voix féminines de la belle époque du punk à la fin des années 70, comme The Avengers ou The Resilos, que je passe dans le Stone Rock Show tous les mercredis soirs vers 22h sur Stone Rock Radio. Autopromo. Mais parce que le rock avant, de votre temps, c'était mieux. Non, je pas, ne me faites pas passer pour plus vieux que je suis, mon petit bonhomme. Le Stone Rock Show. Émission Olive. C'est tous les mercredis soirs à 22h. Je vais encore me faire lyncher parce que je me fais de la pub, mais rien à battre. Et ensuite, je te passerai un de mes coups de cœur de 2020, les Australiens de Goldmines et le titre Deadwood, qui est extrait de l'album Signals. La voix de la chanteuse Courtney Constantinou est envoûtante et leur style rock 70s est à tomber par terre. J'espère qu'ils ne vont pas en rester là et nous sortir quelque chose très prochainement. Voici Amil and the Sniffers et Goldmines sur Stone Rock Radio. Girl Power. We'll be right back.

Quelle voix magnifique! C'était Tuello et le titre How It Ends, extrait de son album The Life of Margaret Cornelius. Tuello est une chanteuse et compositeur qui crée dans l'espace entre le rock, le punk et la soul. Elle emporte avec elle ses influences et les polyrythmes traditionnels sud-africaines dans chaque partie de son brut, audacieux et sinueux qui peut être surnommé Rock Revival. Un endroit pour les chercheurs et une interprétation du rock qui donne vie aux cultures des voyageurs et des migrants comme elle. La musique de Tuello raconte des histoires avec une vulnérabilité perçante, une passion rebelle et une voix captivante qui ont captivé le Huffington Post à la surnommer la meilleure chanteuse de New York et du monde. C'est vraiment, vraiment, vraiment un coup de cœur. Alors la semaine dernière, j'ai reçu une magnifique surprise en allant chercher mon courrier, une petite enveloppe avec dedans une photo dédicacée d'une de mes idoles de la radio, Monsieur Tonton Zégut. J'ai vraiment été surpris et ému en découvrant ce magnifique cadeau que m'a fait Diane. Après le petit jingle enregistré pour Stone Rock par Philippe Manœuvre, c'est une belle photo de Zézé qui est dans le studio et qui m'accompagnera à chaque enregistrement d'émission. Je dédicace donc la série qui va suivre à ces deux légendes de la radio. On va remonter le temps jusqu'en 1970-1971 avec deux groupes de rock méconnus que j'ai découverts grâce à Feelman dans son bouquin sur les disques cultes. Le premier, c'est Variation, groupe de hard rock et blues rock français d'origine marocaine chantant la plupart de ses chansons en anglais. Ils ont sorti un album en 1970 qui s'appelle Nador et qui est juste sublime. Je vais te passer le titre What a Mess Again qui ouvre cet album. Juste pour info, les variations ont fait les premières parties de Johnny, Led Zepp et Steppenwolf. Rien que ça. Et on enchaînera avec Cliff Hound, groupe de hard rock anglais des années 70. Il s'est reformé en 2004 à la demande du public et leur plus célèbre album Growers of Mushroom, très recherché par les collectionneurs, a été réédité en octobre 2005. D'après Feelman, si tu possèdes cet album original avec le label Decca, planque-le bien car il vaudrait entre 3000 et 5000 euros s'il est en bon état. Pour ma part, j'ai laissé tomber les recherches car 4 mois de salaire dans une galette, j'ai pas envie de bouffer des nouilles et des raviolis tous les jours. Allez, rock and roll avec les variations et Cliff Hound sur Stone Rock Radio. Salut, c'est Philippe Manœuvre. Ça va, bande de nazes? Vous êtes en train d'écouter Stone Rock Radio. I'm

C'était Fire and Water du groupe Free, sorti en 1970 sur l'album du même nom. Free était un groupe de rock anglais formé à Londres en 1968, surtout connu pour leurs chansons à succès All Right Now et Wishing Well. Bien que réputés pour leurs concerts et leurs tournées non-stop, leur album studio ne se vend pas très bien jusqu'à ce que leur troisième album Fire and Water présente le succès massif All Right Now. La chanson leur a permis de se faire une place au festival de l'Isle of Wight en 1970, où ils ont joué devant un public de 600 000 personnes. Dernière partie de ce totalement stone rock show spécial, avec deux titres de ce qui est pour moi le meilleur album rock de l'année 2022. Le disque que j'ai le plus écouté et apprécié cette année. Certains animateurs de stone rock ne me diront pas le contraire, comme Manu, Jan ou Mick. Il s'agit bien sûr de Skintifia de Fontaine D.C. Skintifia, le troisième album du groupe de rock irlandais Fontaine D.C., paru en 2022. C'est le premier album du groupe à se classer en première place du classement des charts au Royaume-Uni et en Irlande. Le titre, signifiant la damnation du cerf en irlandais, fait référence à une phrase que prononçait souvent la grand-tante du batteur Tom Cole. La pochette illustre d'ailleurs le spécimen éteint du grand cerf des tourbières. Je vais te passer Jackie Down the Line et I Love You sans jingle pour que tu apprécies beaucoup mieux ces deux magnifiques morceaux. Et j'enchaînerai avec une petite surprise, le groupe qui a l'origine de la Britpop des années 90, et tu verras, ça s'enchaîne plutôt bien avec les Fontaines D.C. Chut. Mais si, je vous assure, des milliards de Chinois vêtus de couches culottes jusqu'à Poitiers. We'll friend Sally said she knows you. Got a funny point of view. Says you've got away with murder. Maybe one time, maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no one for you to be told, yeah. Don't make no one for you to be told, yeah. I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jackie down the line. So come on down to Sally's bone, yeah. See her spirit in decline. See the handsome mourners crying. They hark to beating heart for a sturdy spine, yeah. What good is happiness to me if we're to wield it carefully? For care I'll always come up short. It's only right I don't. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I'm one jacking of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will chew you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jackie down the line. And I will sound you, I'll alone you. I am Jackie down the line. If I can't make you, I can't break you. I am Jackie down the line. I am Jackie down the line. Well, I love you, It's a blessing I want it for you. If I must have a future, I want it with you. System in our hat, you only had it before. You only open the window, never open up the door. And I love you, I love you, told you I do. Genocide and have got pride, I understand. I had to be there from the start. I had to be the fucking man. It was a clamor of the life. I sucked the ring off every hand. Had them plying me with drink, even met with their demands. When the cherries lined up, I kept the spoilings for myself till I had 30 ways of dying. Looking at me from the shelf, cloud padded smile I had. A real good child I was, but this island's run by sharks and children's bones stuck in their jaws. Now the morning's filled with coke, he's trying to talk you through it all. Is their mommy being a girl and is their daddy being a bar? And they say they love the lamb, but they don't feel it goes to waste. Pull a mirror to their youth and they will only see their face. Next, flowers read like broadsheets, every young man wants to die. Say it to the man who profits and the bastard walks boy. And the bastard walks boy. And the bastard walks boy. Say it to him 50 times and still the bastard won't cry. Well, I lie. I love you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tomb. System in our heads, you only had it before. Echo, echo, echo, the lights they go, the lights they go, the lights they go. Echo, echo. Selling genocide and half-cut fight, I understand. I had to be there from the start. I had to be the fucking man. It was a clamor of the life. I sucked the ring off every hand. Had a ploy and me with drink, even met with better mans. And I loved you like a penny loves the pocket of a priest. And I love you till the grass around my gravestone is deceased. And I'm heading for the cookies. I will tell about it all. Bet the god of feel a gale and the veil of being a bar. Now the flowers read like broadsheets, every young man wants to die. Say it to the man who profits and the bastard walks boy. And the bastard walks boy. And J'espère que tu as reconnu les Stone Roses de Ian Brown et I Wanna Be Adored, extrait de l'album The Stone Roses sorti en 1989 et qui est à l'origine du mouvement Britpop dans les années 90. Album qui était enregistré dans les célèbres studios de Rockfield dont je t'ai déjà parlé dans un Stone Rock Show de l'année dernière. Je t'avais fait une playlist de tous les artistes qui ont enregistré dans ces studios. Si ça t'intéresse, je le reposterai sur ma page podcastdarchive.org. Voilà, cette émission spéciale touche à sa fin. J'espère que tu as passé un bon petit moment en ma compagnie. On va se quitter avec, comme dans Totalement Rock, un morceau live. Et je t'ai choisi ma grosse révélation de ces 5 dernières années. Prenez un shaker. Mettez une bonne dose de Pink Floyd. Un quart de Sonic Youth. Un zeste de My Bloody Valentine et une petite larme de Radiohead. Secouez très très très fort et vous obtenez un magnifique cocktail explosif nommé The Psychotic Monks. Pink Color Surgery, leur nouvel album, sortira le 2 février 2023 et je suis très impatient de l'écouter. Deux titres ont déjà été publiés sur les plateformes de streaming, Post Post, et ce titre que je vais te passer, All That Fall, grosse folie de 10 minutes enregistrée au Cirque d'Hiver pour le Culture Box Festival 2022. Alors pour ceux qui suivent le Stone Rock Show, je te dis à mercredi pour la dernière de l'année. Et pour les autres, je vous souhaite une très bonne fin d'année, de bons réveillons et surtout, surtout la santé. Pour info, Jan reviendra le vendredi 6 janvier 2023 avec Totalement Rock. Merci à mon équipe de gland pour m'avoir foutu dans la merde et pour m'avoir permis de faire cette émission qui j'espère t'a plu quand même. Grosse dédicace à toute la Dream Team de Stone Rock et grosse bise à vous tous. Continuez à écouter Stone Rock Radio et partagez nos liens sur les réseaux. Allez, bye, je vous aime, bisous, à bientôt.

Merci.